Si toi aussi tu viens puiser de noirs secrets à la sève de l'arbre monde, bienvenue sur les podcasts Outsider. Salut messieurs, mesdames et personnes non binaires. Aujourd'hui on fait un podcast Outsider Milvo et je suis avec Trikitov. Ouais, salut à tous. Salut. Merci à toi de me donner la réplique sur ce podcast, podcast Milvo. Tu vas te présenter rapidement, je vais juste expliquer pourquoi on est là, puis après tu pourras te présenter. Voilà. Donc, ce podcast, il a pour thème « Comment créer un jeu Milvo ?» Voilà, il y a déjà énormément de jeux Milvo qui ont déjà été créés, surtout des jeux de rôle sur table, mais pas que, qui ont déjà été créés par moi-même et puis par la communauté. Alors, je vais en faire un très très rapide panorama. Comme il y en a une quarantaine, je vais pas du tout rentrer dans les détails, je vais certainement pas citer les 40. L'idée, c'est que de toute façon, il y a un autre podcast Milvo qui s'appelle Panorama des publications, donc qui en parle. Alors je vérifie un instant, je ne sais plus s'il est déjà sorti ou pas. Ce fameux podcast, il n'est pas encore sorti. Donc, mais ceci dit, au moment où on enregistre, il n'est pas encore sorti. Mais je pense que je le sortirai en premier. Alors c'est un vieux podcast, je ferai un petit addendum pour présenter un maximum des jeux, quoi. Et puis après, on sortira celui-ci. Alors, le panorama des publications, en fait, si vous voulez en savoir plus sur les publications qui sont déjà sorties, le plus simple, c'est d'aller sur la page Outsider, et puis il y a la page Milvo, en fait, où il y a la liste de tous les jeux, quoi. Du côté de ma publication, c'est assez vaste, ça va du assez tradit, du type Milvo sombre, donc avec des scénarios, AMJ, tout ça, à des choses plus narration partagée, comme Inforenza, où on peut jouer sans MJ. Il y a des bouquins assez gros, tout comme il y a des bouquins tout petits, ça va même jusqu'à Milvo Choc en retour, qui tient en une carte à jouer. Il y a des bouquins vraiment dans l'univers de Milvo, et il y en a qui décalent un peu l'univers, quoi, tel que Marche-Branche, où en fait, parce que normalement, Milvo, c'est, comme tu sais, normalement, c'est du post-apo européen, ça se passe dans le futur. Et Marche-Branche, par exemple, décale tout ça dans un univers médiéval fantasy, où Odyssée va tout décaler dans, à l'époque de l'Odyssée d'Ulysse. Il y a un peu de tout. Ouais, c'est la. On y reviendra, mais pour moi, c'est la grande force de cet univers, de cette proposition. Hein, c'est cette transposition. Le fait que Milvo peut se transposer à plein d'univers différents, à plein d'époques différentes. Ouais, tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler. Exactement. Il y a des jeux à campagne comme Arbre ou encore C'est la Cante. Il y a des jeux plutôt à one shot comme Milvo Sombre Zéro. Et puis récemment, moi j'ai commencé à proposer des formats qui sortaient un peu du jeu de rôle sur table. Il y a par exemple Les Forêts Mentales et puis Mycorhize, qui sont plutôt pour faire du jeu textuel. Forêt Mentale, c'est pour jouer par forum. Et puis Mycorhize, c'est plutôt pour jouer par SMS ou par réseaux sociaux. Et puis il y a Boissol, qui est du jeu de rôle solo. Et puis également Les Centes, qui est carrément un GN, quoi. Ça fait un sacré catalogue. Voilà, c'est ça. Donc de mon côté, j'en ai compté 22, mais je pense que j'en ai oublié parce que y a pas tout là, il y en manque dans ma liste. Et puis au niveau de la communauté, c'est pareil. Là, actuellement, dans mon compte, j'en ai 19. C'est pareil, la liste n'est pas complète. Il y a des choses qui viennent juste de sortir ou qui vont sortir, comme Contine Inflorescente de KF, qui est un autre GN dans l'univers de Milvo. Il y a quelques auteurs qui sont assez prolifiques. Hein. Par exemple, Claude Ferry a sorti presque une demi-douzaine de jeux dans l'univers de Milvo. Il y a eu des suppléments pour d'autres jeux, par exemple Terre de Sang et Milvo, c'est un par Manon et Simon Lee, c'est un supplément pour le jeu Terre de Sang. Et puis, bon, bah, y a des propositions assez originales comme Colonel Gothic, dont tu pourras nous parler. Je pense que c'est mieux que tu te présentes. Celui qui se démarque aussi, peut-être, c'est Milvaux au seuil de la folie, puisque il a déjà une. Donc, c'est un bouquin sorti par un autre éditeur, bon, comme Colonel Gothic. Mais il est vraiment centré sur Milvaux. Il reprend des textes que moi j'ai écrits en utilisant le domaine public. On en parlera tout à l'heure du domaine public. Et il a la particularité d'avoir une campagne. En fait, il y a pas mal de scénarios qui ont été écrits par Michel Poupart, et puis toute une campagne écrite par Michel Chevalier. Et puis il y a aussi il y a carrément un supplément qui s'appelle Milvaux Renaissance. Voilà, bon, clairement, j'en passe, c'est des meilleurs. J'aurai peut-être l'occasion d'en évoquer d'autres quand ça tombera particulièrement dans la thématique de ce qu'on va aborder tout à l'heure. Et donc, il y avait une question de la communauté, question de Yacab sur le Discord Milvaux. C'était expliquer ce qu'est le système Milvaux, en quoi il sort de l'ordinaire et quels sont ses points essentiels. Alors, c'est une vaste question. Alors, bon, je sais pas du tout hein, si Milvaux, ça sort de l'ordinaire. Peut-être que ça sort justement de l'ordinaire parce qu'il y a eu plein de jeux dans le même univers. Je dirais que ça, c'est là. Oui, parce À que si part on des grosses veut. licences comme, entre guillemets, Cthulhu, tu vois, depuis que ça a été dans le domaine public, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'univers qui ont finalement beaucoup de jeux, en fait, associés, quoi. Généralement, tu vas avoir un jeu central et puis les gens vont sortir des suppléments ou des scénarios. Voilà, sinon, effectivement, les univers où il y a beaucoup de jeux, bah, il y a évidemment Cthulhu, Harry Potter, mais alors c'est déjà un peu plus du officieux, puisqu'on a, en fait, en théorie, t'as pas le droit d'écrire de jeu de rôle Harry Potter, tu peux faire que de l'amateur. Voilà, c'est à peu près tout, quoi. Hein. À part Star Wars où il y a eu quelques jeux quand même, mais des jeux officiels. Il y a un podcast intéressant sur le sujet, c'est comment des univers qui génèrent des mondes. Je mettrai un lien en fait. C'est un peu donc justement sur le sujet des univers qui non des univers qui génèrent des jeux autant pour moi sur le justement sur les univers multijeux quoi. Point essentiel, par contre, de Milvaux, ça va être plus facile. En fait, je voulais dire à peu près verbatim tels qu'ils sont présentés en Milvaux Choc en retour, qui est le jeu Milvaux qui tient une carte à jouer, donc qui contient vraiment l'essentiel. C'est le monde est en ruine, la forêt envahit tout, l'oubli nous ronge, l'emprise transforme tout, l'égrégore donne corps à nos peurs et les Orlas se tiennent tapis près de nous. Donc tu vois que dans cette définition de base, en fait, il y a six paradigmes qu'on va retrouver définis de façon plus ou moins complète selon les jeux. Et puis il y a, par contre, si tu prends la version de base, bah, en fait, les paradigmes sont très peu définis, donc on peut imaginer une acceptation assez différente selon les auteurs qui s'en empareraient, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à ajouter sur la présentation de en quoi Milvaux sort de l'ordinaire et quels sont ses points essentiels? Donc, je te disais que tu étais exhaustif. Hein. Ce qui est vraiment intéressant sur Milvaux, comme tu disais, que c'est un univers qui crée des jeux. Et quand on voit le catalogue hein, que tu as présenté, toutes les façons d'aborder cet univers d'un point de vue aussi bien du thème, de l'ambiance, que du jeu en lui-même, hein, des règles posées, etc. Ouais, on voit qu'il se passe quelque chose autour de Milvaux. Et d'ailleurs, finalement, je pense que c'est un univers qui ne peut que nous parler, avec à la fois cette thématique de cette forêt qui s'étend et ce côté post-apocalyptique qui peut-être nous intrigue et nous parle quand on voit un peu l'état du monde aujourd'hui, si tu veux. Enfin bref, il y a en tout cas un imaginaire qui est assez contagieux autour de Milvaux. Et d'ailleurs, ce qui m'a donné l'envie d'écrire à l'intérieur hein, et d'essayer de participer à cela, quoi, à toute ce bouillon de création. Ouais, donc sur les points essentiels, je pense que t'as tout dit, hein, t'as été exhaustif et y compris d'ailleurs dans le gros catalogue qui entoure de jeux, qui entoure l'univers de Milvaux. Moi, je pense qu'il y a vraiment un attrait autour de Milvaux et tout ce qui se crée là est dû, à mon sens, hein, sur la thématique que porte le jeu, sur cette forêt qui grandit, sur le lien aussi avec nos propres émotions, sur le phénomène de contagion. Voilà. Après, l'ambiance post-apocalyptique, le fait que ça se passe en Europe, enfin, ça ne peut que nous parler lorsqu'on voit l'état du monde aujourd'hui. Enfin voilà, pour moi, il y a une rencontre d'imaginaire qui ne peut appeler que d'autres imaginaires à venir l'enrichir. Voilà. C'est la grande force pour moi de Milvaux, hein, dans sa proposition. Alors très bien. Bah du coup moi si on fait ensemble ce podcast, c'est notamment parce que justement t'as justement participé à cette sphère ludique de Milvaux, puisque t'as écrit Abîme, donc une campagne pour Cornell Gothic, qui est un jeu en fait qui reprend Milvaux dans ses éléments, et la campagne que t'as faite qui s'appelle Abîme justement développe pas mal Milvaux, et puis t'as aussi fait un jeu entièrement dédié à Milvaux qui s'appelle Milvaux Ère Forestière. Du coup, si tu peux un Oui. peu bah, nous expliquer qui tu es, et puis éventuellement évoquer ta découverte de Milvaux, ton expérience sur Colonel Gothic, et puis sur Milvaux Ère Forestière. Oui, bien sûr. Ben moi donc Trikitov, hein, Christophe de mon prénom, Trikitov, mon nom d'auteur. Ben, je suis un vieux routard du jeu de rôle, hein, puisque finalement, ça va faire bientôt 30 ans que je joue au jeu de rôle, hein, depuis que je suis rentré au lycée. Donc j'ai pas mal fait de choses, hein. J'ai écumé pas mal de tables, pas mal de jeux, rencontré moult joueurs. J'étais président d'associations ludiques aussi. Voilà, maintenant je suis installé à Cannes, donc j'ai la chance de pouvoir participer au Festival des Jeux régulièrement, de faire différentes conventions à droite et à gauche. Et finalement, il y a 5 ans environ, je me suis dit, bah, j'écrivais, hein, sur des forums, sur différentes plateformes, etc. Mais je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, ayant plus de temps devant moi, d'écrire un peu plus sérieusement et de me lancer dans des projets plus concrets. J'ai fini par rencontrer Batronogan, avec qui je me suis plus que bien entendu, et finalement on a commencé à écrire sur différents projets. C'est comme ça que je suis venu. Voilà, il y a eu sur Planète Hurlante, il y a eu Héroïque aussi, que l'on a pu faire, qui était vraiment le premier projet posé. Et de fil en aiguille est arrivé le projet de Colonial Gothic. Alors, Colonial Gothic avec l'idée de reprendre ce jeu américain, hein, à l'origine, et de le transposer à la fois dans une autre époque, avec d'autres règles, et d'en faire une version francophone. Donc Colonial Gothic est un jeu d'horreur et d'action, hein, qui se déroule au XVIIIe siècle dans la colonie française canadienne, hein, la Nouvelle-France, et où les joueurs incarnent des personnages travaillant pour une mystérieuse compagnie, la compagnie des 100 associés, et qui a pour vocation de lutter contre la menace anglaise, hein, et la menace surnaturelle. Car dans le jeu, il y a une résurgence du surnaturel et du folklore amérindien, et qui s'attaque aussi bien à l'homme blanc qu'au natif. Et on a introduit, et c'est là où je viens à Milvaux, on y a introduit tout ce que Milvaux pouvait apporter en termes de surnaturel, avec cette forêt qui s'étend. Ça faisait écho aux profondeurs de la forêt canadienne. Enfin, on avait envie, en tout cas, de lier à la fois certains mythes amérindiens avec ce que tu avais écrit et ce que d'autres avaient pu écrire autour de Milvaux. Donc voilà, on a introduit cela dans notre version de Colonial Gothic, donc à l'est d'Éden. Et pour moi, ça a débouché sur une campagne que j'ai pu faire jouer et écrire, et donc publié hein, dans le cadre de la gamme coloniale gothique, une campagne centrée justement sur l'émergence des veaux au sein de la Nouvelle-France, et en essayant d'enrichir finalement ce que proposait Milhaud à travers cette contagion à une période historique bien précise, à travers des personnages non-joueurs récurrents, etc., et de proposer ce type de jeu. Du coup, il y a deux choses en fait qui me... Il y avait deux choses que je voulais rebondir sur Conan Gothic. Bon, outre que j'aime beaucoup la campagne, elle est vraiment sympa. On découvre, il y a trois PNJ importants qui sont vraiment sympas à suivre. Et puis on voit bien la progression, la progression de Milhaud sur fond de bouleversement historique. Mais au-delà de te passer la pommade, il y a deux trucs qui sont intéressants sur Colonial Gothic. C'est que par rapport à d'autres jeux Milhaud, en fait, c'est que normalement, Milhaud, si on suit le background officiel, ça se passe en Europe, ça se passe dans le futur, et puis on joue vraiment à l'intérieur de Milhaud, quoi. Ça s'étend à toute l'Europe, c'est fermé par un mur, donc on peut pas aller à l'extérieur, donc on est vraiment dedans, quoi. Alors qu'en fait, dans Colonial Gothic, Milhaud, quelque part, c'est une partie du territoire de la Nouvelle-France, quoi, essentiellement une partie de ses forêts, en fait. C'est ça. Qui sont certes immenses, mais qui recouvrent pas tout, quoi. Et c'est quelque chose qui progresse, qui va s'étendre, alors qu'en fait, on pourrait imaginer que, enfin, dans les jeux habituels, l'extension, elle est quelque part terminé ou en tout cas contenu par un mur, tandis que là on est sur quelque chose qui s'étend. Et puis évidemment il y a le décalage aussi le décalage de contexte, puisqu'on passe de l'Europe du futur donc à la Nouvelle-France du passé. Et on pourrait ça me renvoie à un jeu qui s'appelle Milhaud Mantra, qui était un supplément de Milhaud, un supplément Milhaud pour Mantra, mais c'est aussi un jeu entier parce qu'il a son système de règles embarqué, un peu inspiré de Mantra, mais un peu différent quand même. Et en fait, dans Milhaud Mantra, Milhaud est présenté comme quelque part une sorte de chose qui effectivement s'étend de toute façon, qui a vocation à s'étendre. Un phénomène, ouais, c'est ça, un phénomène, c'est le meilleur terme, qui a vocation à s'étendre et à contaminer les univers et les époques aussi. Donc, c'est pour ça que partant de là, ça nous donne une justification pour mettre Milhaud dans absolument tout, et soit le présenter comme quelque chose qui a déjà contaminé entièrement l'univers, et on est dans Milhaud, et voilà, c'est le cas du monde de Medfan de Marchebranche, où là, c'est bon, la forêt, elle est déjà là, quoi. Ou effectivement, dans le cas de Colonial Gothic ou d'autres propositions, eh bien, on est sur l'émergence, en fait, l'émergence de Milhaud, quoi. Oui, c'est exactement ça, et je rebondis sur ce que je te disais auparavant. C'est, pour moi, Milhaud est viral, dans le sens où Milhaud peut contaminer les imaginaires et donc se retrouver dans plein de médias. Que ce soit à travers le jeu de rôle dans différentes approches de Milhaud, et Milhaud peut aussi s'incruster, s'inviter au sein d'univers déjà posés, mais Milhaud peut aussi s'appliquer à investir du roman, du jeu de rôle papier, d'autres jeux de type de plateau ou autre. Et j'aime beaucoup cette idée de cette forêt qui grandit, de cette dimension qui s'infiltre. Voilà, c'est une thématique qui me plaît beaucoup, et je pense que c'est la grande force aussi de Milhaud de pouvoir s'infiltrer et s'incarner dans différents types d'univers déjà posés, d'univers que l'on crée, ou de supports de médias, quels qu'ils soient. Ouais, c'est ça. Pour parler avec des termes plus barbares, en fait, c'est un univers transmédia, puis qui supporte aussi pas mal le crossover, quoi. Exactement, oui, tout à fait. Et pour Colonial Gothic, j'avais vraiment, et pour la campagne Abîme, cette idée de quelque chose qui perce, voilà, la réalité, qui essaye, qui s'accroche, qui arrive, qui est quelque chose d'inéluctable et qui finalement arrivera, parce que quand on reprend ton setting de base, ben voilà, ça arrive, c'est là. Et d'ailleurs, toi-même, tu fais des liens avec, avec l'histoire, hein. On va rien dévoiler, mais voilà, y a un enjeu qui est là depuis très longtemps, Ouais, entre, dans la dans vieille des Medevaux. la... Mmh, tout à Donc fait. voilà, c'est cette perspective historique, tout en avec ses incursions, voilà, cette envie de s'incarner, de venir contaminer la réalité de la part des Milvaux, je trouvais ça très très porteur. Enfin, en tout cas, ça m'a beaucoup beaucoup inspiré. Est-ce que tu peux un peu nous parler aussi de Millevaux Air Forestière? Oui, bah, c'est la continuité. Quand j'ai refermé finalement le projet Colonial Gothic et la campagne Abîme, hein, même si Colonial Gothic là, va avoir un autre supplément, mais c'est tout à fait autre chose, c'est dans la On va continuité attendre. de la gamme. Il y aura du Millevaux dedans aussi, ouais, d'ailleurs. Tout à fait, ouais, tout à fait. Bah, j'ai eu envie de poursuivre un peu l'expérience et surtout j'ai eu envie moi-même de contaminer d'autres tables de joueurs avec Milvaux. Et donc c'est posé pour moi comment faire jouer Milvaux, comment j'ai envie de le faire jouer. Et j'avais envie de continuer l'écriture, mais plutôt en termes de game design autour de Milvaux. Donc est née l'idée de Milvaux Air Forestière, avec un postulat de base, à savoir proposer des règles plus traditionnelles, va-t-on dire, dans l'approche, courtes, puisque pour moi je voulais avoir des règles tenant une vingtaine de pages. Proposer une expérience différente, peut-être à travers ces règles, dans Milvaux. Et aussi, expérimenter le fait de concevoir des scénarios autrement, à base d'images mentales, de courtes réflexions, voilà, quelque chose de plus. Comment dire, de plus rapide, de plus intuitif. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai commencé à écrire sur ce projet et à constituer une petite table, à faire des tests, à faire des allers-retours entre mes joueurs et moi, entre mon clavier et eux. Et c'est ainsi qu'est né le projet donc Milvaux Air Forestière, qui est abouti, puisque là, on a des règles sur une vingtaine de pages, effectivement, qui permettent d'explorer et d'arpenter la forêt. Donc vraiment dans cette idée en lien avec Civilisation ou avec le futur Atlas, hein, de Milvaux, enfin vraiment à l'époque post-apocalyptique où la forêt est effectivement immense, elle est partout et on incarne des personnages au cœur de cette forêt. Entouré par ce fameux mur, comme tu le dis, et on essaye de survivre. Rien n'est clair, tout est en nuance, c'est sale, c'est difficile. Voilà. Et on a une approche voilà, plus traditionnelle avec des dés, des seuils de réussite, des succès accumulés, mais de façon très ramassée, très intuitive pour permettre à des rôlistes peut-être qui ont une approche plus traditionnelle ou autre de découvrir aussi Milvaux autrement. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, Et... ouais c'est vrai qu'on a les marqueurs du tradi, puisque tu as des caracs, bon, tu as des traits, les traits, ça commence quand même à rentrer un petit peu dans le tradi, hein. Maintenant, ça a bien fait Bah des oui. traits, quoi. Et puis tu as un système de combat, un système de résolution, effectivement, là aussi, on va reconnaître ses petits, quoi. Et la petite originalité, c'est que, par contre, c'est fait pour... De la semi-impro, quoi, parce que tu as une méthode, tu donnes une méthode pour imaginer son setting au départ, quoi, et puis après, c'est quand même beaucoup d'impro, quoi, donc on sort du Oui. paradigme scénario campagne. Oui, oui, tout à fait, puisque vraiment, je parle de séance de jeu et j'élude complètement l'idée du scénario. C'est-à-dire que Voilà, véritablement, en amont, on je fais un peu plus prépare. ces joueurs, quoi. Ouais, voilà, on prépare un petit texte introductif, quoi, on va dire, qui va servir d'accroche et d'inspiration, et aussi de fil conducteur, ou en tout cas de guide. plus ou moins tout au long de la séance de jeu, mais je n'ai pas volonté à écrire des scénarios pour Milvaux Air Forestière. Voilà, ça n'aurait pas de sens pour moi. Autant la démarche dans les règles se veut traditionnelle ou classique, va-t-on dire. Voilà. Par contre, je veux en sortir avec une approche vraiment libre de la séance de jeu et de ce qui se passe autour de la table, quoi. Voilà, de laisser jouer, de laisser parler les dés, de laisser parler l'imaginaire de chacun, sans qu'il y ait ce cadre imposé du scénario. Voilà. Peut-être ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans certains jeux propulsés par l'Apocalypse, d'ailleurs. Enfin, voilà. Donc de se laisser jouer, voilà. Très Et de bien. voir ce qui se passe. De voir ce qui se passe. Maintenant qu'on a, on a juste brossé le tableau de départ, on s'est un peu représenté tout ça. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le gras du sujet. Et la première question, elle va être peut-être un peu technique et tout. Enfin, il y a deux trucs déjà assez techniques qu'on va aborder. La première, c'est en fait les questions de droit d'auteur, quoi, de propriété intellectuelle. Comment ça se passe avec Milvaux, justement? Vous voulez faire un jeu Milvaux, comment vous faites? Donc, il y avait une question de Mouni sur le Discord de Milvaux. Alors, j'en profite hein, pour évoquer l'existence de Discord, là, qui a. Donc, là, on enregistre fin septembre 2019, et donc, il y a un mois d'existence à peu près. Vous allez voir, si vous ne connaissez pas déjà, vous allez voir que c'est quand même une belle plateforme, justement, pour échanger au niveau de la communauté. Donc, si vous vous lancez dans un jeu Milvaux, eh ben, franchement, n'hésitez pas à venir sur le Discord, à échanger avec les autres sur vos idées, tout ça. Vous aurez, ça va, il y aura certainement des gens intéressés avec qui vous pourrez discuter, quoi. Donc, sa question, c'est, est-ce qu'on peut aborder l'aspect droit d'auteur et puis aussi les possibilités de commercialisation? Alors, l'univers de Milvaux de base, l'idée de Milvaux et puis la plupart des textes que moi j'ai écrits, à l'exception notable de Milvaux Sombre Zéro, qui est en donc tous les textes de Milvaux écrits par moi sont dans le domaine public. Ça veut dire qu'il y a finalement absolument pas de droit d'auteur dessus. Vous pouvez faire ce que vous voulez de mes textes. Vous pouvez vous en inspirer. Vous pouvez aussi les recopier, enfin, même dans leur intégralité, si vous voulez. Vous pouvez les diffuser de façon gratuite ou de façon commerciale. Vous êtes pas, si vous faites de façon commerciale, vous n'êtes pas obligé de me verser des droits d'auteur, quoi. Vous le faites si vous en avez envie, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Donc, je sais pas, je prends un jeu entier comme par exemple Influenza. Il est dans le domaine public. Si vous voulez, vous pouvez. Et bon, il est déjà édité par moi chez Lulu, mais si vous voulez, vous pouvez l'éditer de votre côté, peut-être avec une maquette différente ou avec des adaptations. Mais il y a aucun souci, quoi. Le truc aussi important, c'est que vous pouvez faire donc un jeu Milvaux. Sans me demander mon avis au préalable, en fait, sans me prévenir, vous pouvez diffuser un jeu Milvaux sans m'en avoir informé au préalable. L'avantage pour vous, c'est que du coup, ça peut aller très vite. Si vous n'avez pas le côté, il faut qu'on aille voir l'auteur initial, lui demander son autorisation, ce qu'il en pense, qu'il valide tout ça. Non, non, non, vous pouvez faire la chose de façon complètement autonome, et donc du coup, ça vous fait gagner du temps en fait dans votre production, quoi. Et ça va Alors, bien avec ce qu'est finalement Milvaux, viral. c'est ça, Tu oui. Donc, participes à la chose. pour que ce soit viral, il faut pas qu'il y ait un auteur central qui verrouille tout et qui valide tout, parce que ça fait perdre beaucoup de temps, et puis ça tue des initiatives dans l'œuf, en fait, quoi. Oui, c'est cette liberté-là, elle est intéressante, hein. Elle est Ouais. intéressante. Alors, au niveau des textes. Donc vous avez les autres, les jeux Milvaux qui ont été faits par la communauté. Là, il y a pas mal de licences différentes, quoi. Il me semble, je parle sous ton contrôle, Christophe, mais que Oui. les textes Colonel Gothique, c'est plutôt tout droit réservé, quoi. Hein. Les textes ont encore propriété de leur auteur, quoi. Vous pouvez pas Oui. reprendre la campagne de Christophe comme ça sans demander l'autorisation. Hein. Par contre, il y a des jeux Milvaux qui sont dans le domaine public. Il y en a qui sont sous licence Creative Commons avec certaines restrictions. La restriction les plus courantes, c'est paternité, c'est-à-dire qu'il faut citer l'auteur source, et puis pas d'usage commercial, c'est-à-dire que vous pouvez pas vendre le jeu de votre côté sans verser de droits d'auteur et sans demander l'autorisation, quoi. Alors, Oui, je t'écoute, pour rebondir Christophe. sur ce que tu dis par rapport au Creative Commons, moi j'invite vraiment les gens qui veulent créer, que ce soit dans Milvo ou ailleurs, à s'intéresser un peu à ces licences qui sont très libres et dont le but est de protéger la propriété intellectuelle, mais aussi de faciliter et de favoriser la diffusion. Donc c'est toujours bon d'aller s'intéresser à ces licences. On trouve en plus sur le net des articles très explicatifs. Il y a le site hein, aussi des Creative Ouais. Commons qui est très bien fait, y compris Wikipédia, quoi. Donc ça peut être une lecture instructive pour se rassurer par rapport à qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, c'est quoi ces questions de droit, etc. Ouais, je Après, il ne mettrai faut un pas que lien. ça soit un frein. Il ne faut pas que ça soit un frein, bien au contraire, parce que finalement, on peut vraiment trouver la licence qui convient, et puis voilà, et être libre de diffuser et de favoriser la création imaginaire, quoi. Un point d'ailleurs important, hein, c'est si vous faites un jeu Milvo, moi je vous invite vraiment à préciser dans les crédits justement quel est votre choix en matière de propriété intellectuelle. Parce que si vous mettez rien, les gens ne savent pas et du coup ils n'osent pas reprendre votre matériel de jeu. Bon, il y en a qui vont penser à vous envoyer un mail et tout, mais franchement, ça mange vraiment pas de pain de consacrer une ligne à dire voilà sous quelle licence vous avez mis vos travaux, quoi. Oui, tu as tout à fait raison hein, de mettre le type de licence, par exemple, que ce soit une licence non commerciale, etc. Après, on rappelle juste les lettres qui font le logo de la C'est licence. ça. Hein, et puis voilà, c'est tout simple, en une ligne, et ça permet à tout le monde de savoir ce qu'il peut être fait avec le produit en question, quoi. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est vertueux de le faire. Encore une fois, pour favoriser la diffusion et la création. Alors, au niveau des illustrations, qu'est-ce que vous avez comme matériel pour illustrer? Vous avez donc si vous allez sur ma page Flickr, je mettrai un lien. Vous allez retrouver tous les photomontages que moi j'ai faits, qui pour leur immense majorité sont en Creative Commons paternité. C'est-à-dire qu'il faut me citer, mais il faut aussi citer tous les auteurs sources, hein, parce que c'est des photomontages, donc je vais prendre des photos de différentes sources. Et non commercial, parce que en fait généralement c'est pas que moi j'ai envie de contrôler ça, mais c'est que les auteurs sources, je les ai pris dans des licences non usage non commercial. Mais du coup si vous faites votre jeu gratuit, votre jeu non commercial, ben vous pouvez prendre tous mes photomontages, ils sont à votre disposition, vous pouvez les trafiquer. Si vraiment vous voulez aller dans le gros du trafic, n'hésitez pas à me demander, je peux vous envoyer les calques Photoshop, comme ça vous avez toutes les découpes que vous pouvez recombiner si vous voulez. Également, vous allez retrouver sur ma page Flickr des illustres qui ont été faites par d'autres, hein. Il y en a beaucoup. Là, par exemple, on a eu. Je viens de diffuser un énorme album qui s'appelle De Racines et de Sang. Il y a 40 dessins d'Agathe Ponce, hein, qui sont vraiment magnifiques et qui sont libres de droit. Donc, n'hésitez pas à vous servir, quoi. Sinon, si vous trouvez des illustrations Milvo faites par d'autres, hein, sur la page, qui sont copyright. Ça mange pas de pain d'envoyer un petit message à l'auteur. Moi, je peux faire le relais. Et si vous voulez utiliser leur image, posez-leur la question. Hein. Peut-être que ils feront une exception au copyright pour vous, quoi. Autre question de Twitter, c'est ah oui, autre si pour les illustres aussi, vous allez trouver. Il y a une page inspiration Milvo. Et en fait, j'ai mis des liens vers plein d'illustrations. Alors il y a un peu tout en matière de licence. Il y a du tout droit réservé, il y a du domaine public et tout. Vous avez aussi un gros stock d'illustrations typées Milvo que vous allez retrouver, quoi. C'est un stock immense, quoi. Alors j'avais une question qu'on m'a posée sur Twitter. C'est voilà, si un auteur s'inspire de Milvo, Et édite un jeu payant, cuit des droits d'auteur. Bon, bah ça, on a répondu. Ok. Donc, ça, c'était la question des droits. La question suivante, toujours un peu technique, c'était la question des logiciels. En fait, on m'a demandé sur Discord comment on faisait un jeu, c'est-à-dire quel logiciel on utilisait. En fait, moi, la première réponse que je pourrais donner, c'est vous prenez pas trop la tête. Moi, la plupart de mes jeux, je les fais juste avec Word, hein, avec traitement de texte basique. Donc, il y a. D'ailleurs, si on n'est pas un expert, il faut mieux passer par les choses les plus simples, hein. Ça. Voilà, hein, une proposition propre, voilà, taper, paginer, voilà, présenter, voilà, propre. Pas la peine de se lancer dans des choses très compliquées, parce que c'est un vrai métier, pour le coup, la pagination, etc. Donc, il faut, voilà. Moi, je trouve plus intéressant de. C'est quel type d'outil on peut utiliser pour que ça soit plus facile d'accéder à la création, c'est-à-dire le partage de documents, voilà, des Donc types les Google Google Docs, Drive, ouais, voilà, Google Doc, Google Drive pour que d'autres puissent amender le texte, le commenter, faire de l'écriture partagée, etc. Ça s'avère beaucoup plus utile dans un premier temps. Que de s'intéresser à tout ce qui est PAO, pagination, etc., quoi, qui est vraiment un métier à part entière. Alors pour aller très rapidement sur les logiciels, donc moi je suis sous Linux. Généralement, mon premier jet, ça va être sur mon téléphone. En fait, je prends des notes. Je prends des notes éparses. Après, je les ventile sur un document Excel qui va me les trier en fait par catégorie. Donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai une masse de notes sur Excel qui s'accumulent, qui sont suffisantes pour faire un premier jet. Donc, je les trie par catégorie. Je recopie toutes mes notes sur un logiciel de texte en chambre noire. Donc, sous Windows, il y a Vim. Moi, sur Linux, j'utilise Pyroom. Donc, c'est un logiciel de texte, mais hyper basique. C'est écrit en vert sur fond noir. Et il n'y a aucune fonctionnalité. Vous n'avez pas le correcteur orthographique, les styles, tout ça. Il n'y a qu'une seule police. Enfin, voilà. Vous êtes concentré sur l'écriture, quoi. Vous ne faites que ça. C'est très, très bien pour démouler un premier jet vraiment rapidement quoi. Après évidemment je passe sous Word pour faire tout ce qui est mise en page, choix des polices, enfin faire les sauts lignes correctement, et puis le correcteur orthographique bien sûr quoi. Si je fais du photomontage, mes photomontages je vais les faire sous GIMP qui est l'équivalent Linux de Photoshop, voilà, très classique. Et à une époque, maintenant, aujourd'hui, maintenant, c'est Word avec les photomontages, c'est illustration de pleine page que je copie-colle en fait sous Word. À une époque, j'ai fait carrément de la mise en page sous Photoshop, enfin sous GIMP. Et ensuite, j'ai assemblé mes pages avec un logiciel de pagination assisté par ordinateur qui s'appelle. Merde, comment il s'appelle? Scribus. Voilà, mais ça c'est un truc que j'ai arrêté de faire parce que ça prend énormément de temps. C'est vrai que ça permet de sortir des beaux jeux, quoi, mais c'est très ambitieux et c'est pas un truc que je conseille du tout si vous voulez faire votre premier jeu Milvo, quoi. Oui, il faut mieux se concentrer sur l'écrit en lui-même. Voilà, la pagination, ça viendra après, quoi. C'est ça. D'ailleurs, il faut mieux écrire à la ligne, si je puis dire, dans un jet brut, et ne pas se soucier d'entrée de jeu de qu'est-ce que je vais mettre en gras, souligner, justifier. Voilà, là, il faudrait que ça fasse joli, ici mettre une Ça illustration. vient dans un second temps, quoi. Ouais, il faut pas tout confondre, il faut vraiment passer par étapes, quoi, et puis reconnaître ses compétences, voilà, et puis pas hésiter à se faire aider selon la qualité du rendu que l'on veut, quoi. Oui, surtout que bah, quelque part, maintenant il y a une petite communauté Milvo, donc ça se trouve, si vous en faites la demande, il y a peut-être des gens qui seraient heureux de vous mettre en page ou de vous illustrer, quoi. Hein. Il faut pas hésiter, c'est pas obligé que. Enfin, si vous préférez travailler seul, c'est OK, mais il y a une équipe, on en parlera tout à l'heure, quoi. Alors justement, maintenant qu'on a vu un peu la technique, la question c'est bah, pourquoi on ferait. Ouais, donc je disais. On a déjà 40 jeux Milvo. Pourquoi on en ferait un 41e, en fait, c'est une question qu'on va se poser, en fait. Pourquoi on aurait envie de faire de nouveaux jeux Milvaux? D'ailleurs, c'est peut-être déjà se poser la question de... Vous n'êtes pas forcément obligé d'en faire. Ça se trouve, ce que vous avez envie de faire, peut-être regardez déjà ce qui existe, et peut-être que ce que vous avez envie de faire, ça existe déjà sous une forme assez proche, quoi. Comment, je pense que c'est intéressant de faire un jeu Milvaux si vous trouvez que ça comble un certain vide, quoi, ou si vous avez un apport personnel, qui est quelque chose de vraiment personnel que vous voulez apporter, quoi. Oui, tu as raison, hein, parce que le catalogue commence à être bien étoffé. Mais après, il y a, à mon sens, il y a encore plein de choses et plein de possibles à faire dans et autour de Milvaux. Donc, il faut pas restreindre son envie non plus. Par contre, effectivement, la première des démarches, elle est bonne, c'est de regarder déjà ce qui se passe dans et autour de Milvaux et de voir si effectivement sa proposition, elle apporte sa pierre à l'édifice, quoi. Ça, c'est une bonne démarche parce que je pense véritablement que Milvaux peut s'ancrer de façon encore plus définitive. Voilà, en termes d'imaginaire, avec des propositions fortes et non pas des choses qui sont que des ersatz ou des pas des copies, mais des reflets de ce qui s'est déjà fait. Donc c'est une bonne démarche que d'être déjà un petit peu de recenser ce qui existe et de bien recenser aussi son envie et quelle est la force de sa proposition, quoi. De sa note d'intention dans le jeu que l'on veut faire dans Milieu. Moi, de mon côté, je dirais les motivations les plus fréquentes que je vois pour créer un nouveau jeu, c'est soit parce que vous allez décaler la proposition dans une autre époque, un autre lieu, un autre univers, quoi. Donc, on l'a vu, Colonia Gothique, c'est aussi ce que fait Odyssea. Soit au contraire que vous allez zoomer sur un aspect de l'univers, que ce soit un aspect au niveau des paradigmes. Par exemple, vous voulez faire un jeu typiquement sur les Orlas, c'est ce qui a existé avec les Murmures de Shu-Niggurath, qui s'intéresse essentiellement aux Orlas. Ou alors, vous voulez zoomer sur un point de l'univers, quoi. Little Chiminville, par exemple, zoome sur une seule ville dans Milvaux, quoi. Donc, ça se trouve, vous avez une enclave que vous avez imaginée, vous voulez vraiment faire un jeu qui zoome dessus, quoi. Ça peut être aussi l'idée de faire un crossover, je sais pas moi, vous voulez des mechas dans Milvaux, par exemple, ou vous voulez faire un crossover entre Milvaux et puis votre jeu préféré, quoi. Je sais pas moi, Apocalypse World, Milvaux, on mixerait un peu l'univers d'Apocalypse World avec Milvaux. Il y a plein de choses qui sont possibles. Ou alors l'intérêt c'est que si vous voulez apporter un gameplay qui n'existe pas déjà, quoi. Alors il y a déjà pas mal de gameplay qui sont abordés, mais je suis vraiment sûr qu'on en oublie, quoi. Moi, par exemple, quand j'ai découvert For the Queen, je me dis, ah oui, For the Queen, c'est une nouvelle façon de faire du jeu de rôle. C'est vachement intéressant, c'est différent. Du coup, j'ai fait un hack de For the Queen dans l'univers de Milvaux qui s'appelle Orient, parce que j'ai trouvé que ça apportait un gameplay qu'on n'avait pas avant, quoi. Oui, c'est d'ailleurs c'est une démarche intéressante hein, de partir peut-être d'un game design qui nous plaît et de voir ce qu'il donnerait dans Milvaux. Ça peut être cette idée-là. C'est finalement d'acoquiner Milvaux à plein de façons de jouer différentes et de voir ce qui se passe, ce qui naît de cette expérience-là. C'est tout aussi intéressant que de créer un jeu comme ça sorti un petit peu du chapeau ou de ses idées, essayer de faire coexister style et approche de jeu avec ce que peut être Milvaux. Voilà. Comme ça peut être une façon de répondre à un jeu Milvaux existant en disant j'aime bien le principe de base de ce jeu, mais la réalisation me convient pas tout à fait. Ça a été le cas de Claude Ferry qui a repris le principe des Corses, donc qui est un jeu Milvaux OSR, quoi. Mais je pense que c'était un peu trop compliqué à ses yeux. C'est vrai que le jeu est un peu, il y a pas mal de règles dans les Corses. Et donc du coup, il a fait Fripouille, donc il reprend des éléments des Corses, mais qui pour son gameplay de base s'inspire d'un jeu qui s'appelle Knave, qui est un jeu OSR mais assez simple, hein, recentré sur les basiques. Et donc du coup, il a fait son jeu OSR Milvaux, bah voilà, qui est plus simple, qui est corse, voilà, plus dans ce qu'il aime, quoi. Oui, c'est le côté aussi mutant de tout ce que l'on retrouve à la fois dans l'univers Milvaux et de tous les jeux qui ont déjà été faits dans cet univers. Il ne faut pas hésiter à bricoler, à y coller ses propres envies, tant en matière de technique de jeu que d'univers, quoi. Ça, c'est intéressant de pouvoir prendre un bout de cela, un bout de cela, et de faire sa propre version de Milvaux. Ça pourrait être, voilà, c'est intéressant. Mais on peut aussi, comme tu dis, projeter Milvaux ailleurs et autrement. Pourquoi pas un Milvaux SF, d'ailleurs. Voilà, y a beaucoup de choses à faire avec le matériel qui existe déjà et en y amenant sa propre expérience, sa propre inspiration, ses propres envies. Voilà. À partir du moment où sa note d'intention est claire. Voilà, je le propose parce que je veux arriver à ce résultat autour de la table, à cette expérience de jeu. Alors la question suivante, en fait, c'est des fois on peut aussi se poser la question pourquoi faire un jeu alors que peut-être ce qu'on veut c'est faire un scénario en fait. C'est-à-dire on va se poser la question de est-ce que vous voulez faire un jeu ou est-ce que vous voulez faire un scénario, c'est pas du tout. En fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution en tout cas, au moins dans la sphère amateur, si c'est pas dans la sphère éditoriale aussi. Il y a 10 ans, en fait, on faisait beaucoup dans la sphère amateur, on faisait beaucoup des scénarios en fait pour les jeux existants, qui des Oui, tout fois à fait. C'était un peu étaient très. la démarche d'ailleurs. C'était C'est ça. oh, j'aimerais tant avoir un scénario publié dans Casus ou oh, j'aimerais tant que un de mes scénarios soit joué par d'autres. Et c'est vrai qu'on était plus sur une démarche d'écriture de scénario. C'est vrai. Des fois, ça pouvait être assez original par rapport à la proposition de base, quoi. Genre, je dis n'importe quoi, le gars qui dit ah bah tiens, je vais faire un scénario cops où les flics on va jouer une histoire d'amour entre flics, quoi. Tu vois, on décale un petit peu le truc, quoi. Et aujourd'hui, je pense que c'est dû un peu à l'explo il y a eu c'est l'explosion des mini-jeux, quoi. Et en fait, les gens ont plutôt tendance à faire des ben à faire soit des jeux, en fait, quand ils ont une idée, plutôt que faire un scénario, on fait un jeu autonome, quoi. Alors, ces jeux, des fois, ce sont des scénarios-jeux, quoi. Hein. Si on prend For the Queen, par exemple, For the Queen, c'est un scénario-jeu, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un peu que un seul type d'aventure, et sauf que c'est sous forme d'un jeu, quoi. Donc, c'est des mini-jeux, en quelque sorte, quoi. Ça dépend où on met le curseur, effectivement. Est-ce qu'on part sur un jeu de A à Z? Est-ce qu'on est sur simplement un scénario teinté de Milvaux? Ou est-ce qu'on met le curseur entre les deux en proposant à la fois une sorte de campagne fermée qui propose ses propres mécaniques intégrées et qui vont véritablement servir le jeu autour de la table et ce que l'on veut rendre autour de cette expérience dans cette saga. Voilà. Je pense que c'est une vraie réflexion à avoir en amont. Je pense que moi je tiens à rappeler tout l'intérêt en fait qu'on peut porter au scénario, hein. Déjà parce que voilà, si vous avez une idée, c'est peut-être un peu ambitieux de vouloir créer un jeu, faire des mécaniques originales et tout, et ça se trouve votre idée elle tient à un scénario, ce sera plus facile. En plus, ça peut être intéressant du point de vue viral, par exemple, de faire un scénario Milvaux pour un autre jeu, quoi. Par exemple, il y a Gulix qui a fait L'Enfer de Jade, qui est un scénario Milvaux pour Swords Without Master, quoi. Il y a eu évidemment beaucoup de scénarios pour. Aussi, vous pouvez faire des scénarios pour des jeux Milvaux existants. Il y a eu Tout à pas fait, mal de. ou Par exemple, il y a eu baisser. pas mal de théâtre Inforenza. Oui. Ou des scénarios pour des jeux plus mainstream. Voilà, ça peut être très intéressant aussi de surprendre vos joueurs avec un scénario à ambiance Milvaux ou totalement Milvaux, mais propulsé dans votre univers habituel, dans votre jeu habituel, avec les règles de ce jeu. Et pourquoi pas créer et imaginer des règles spécifiques et dédiées Milvaux dans le cadre technique déjà proposé par le jeu. Ouais, c'est ça. Un niveau propulsé dans la cinquième du plus vieux des jeux de rôle ou dans un jeu totalement autre, voilà, de bouger les lignes. Et je pense que c'est un bon exercice de créer ces petites mécaniques, cette saveur particulière que l'on va retrouver dans la session. Fait, Milvaux, ça peut être vu comme un plan, un monde parallèle. Qui soit donc essaye d'envahir votre univers de jeu de rôle favori, quoi. Et donc du coup vous avez un scénario qui parle de cette invasion, quoi. Damien Lagozère fait beaucoup ça dans ses scénarios solo. Il va par exemple il va jouer avec des systèmes type Cthulhu, Année 20, quoi. Et en fait dans ces jeux, dans ces scénarios, ben il y a des cultistes en fait qui essayent de faire venir Milvaux, quoi. Ou alors ça peut être comme c'est un monde parallèle, ben vos personnages sont propulsés dans les personnages du scénario sont propulsés le temps du scénario dans l'univers de Milvaux où ils doivent faire diverses choses ou alors ils doivent s'en échapper. Je Oui, veux, il y a c'est aussi, intéressant. je pense que c'est aussi intéressant que vous pouvez aussi faire des scénarios Milvaux système agnostique, c'est-à-dire sans règles. Parce que quelque part, comme il y a déjà une quarantaine de jeux Milvaux, après tout, ben les gens n'ont qu'à utiliser les règles qu'ils veulent, quoi. Donc vous allez pouvoir vous concentrer sur l'ambiance de ce que vous voulez, sur les conseils aux meneurs, sur l'intrigue. Ça vous évite peut-être d'avoir de faire des stat blocks et des trucs. Enfin, vous avez plus le côté technique à gérer. Et puis aussi, quelque part, un scénario système agnostique a peut-être plus de chances d'être joué, quoi. Oui, et ça, oui, c'est une approche qui est autre. Hein. On pourrait imaginer aussi du Lovecraftesque, qui est un jeu en fait vraiment purement narratif, avec une histoire tournée vers Milvaux. Moi, j'aime beaucoup ce côté de cette dimension qui envahit, voilà. Enfin, ça rappelle un peu pour moi en tout cas les racines Lovecraftiennes hein, de Milvaux. Hein. C'est à mon avis un fil conducteur très intéressant à exploiter et pour le coup qui peut envahir tous les jeux quoi Ouais, et carrément. créer de la surprise, du Sur les dépaysement. cultistes, qui veulent faire venir Milvaux, je pense que vous pouvez faire un, vous pouvez utiliser le jeu Louer soit sotte où justement on joue des cultistes et ça peut être un très bon jeu, voilà, pour faire autour de Milvaux, quoi. Oui, tout à fait. Ou le culte innommable aussi là. Voilà, ça me passe par la tête. Effectivement, ça peut être très très intéressant de faire un groupe de joueurs cultistes de Milvaux. C'est intéressant. Donc, quand vous faites vos scénarios et vos jeux, en fait, on va parler un petit peu de le traitement que vous allez donner à l'univers. Parce que, pour information, il y a un univers officiel en fait hein, de Milvaux. Et oui, que vous allez trouver en fait dans les suppléments de contexte. Il y a un supplément qui est déjà sorti définitif, c'est Civilisation, qui va surtout aborder. Vous avez toute la timeline. Et puis vous avez les diverses factions. Et puis il y a des suppléments qui sont à l'état de brouillon, vous pouvez déjà télécharger sur le site, hein, mais il y en a qui sont déjà bien rédigés comme l'Atlas, il y en a qui sont vraiment juste des empilements de notes, hein, comme Nature, Ruine et Surnature. Et puis il y a l'Almanach, donc ça c'est aussi un supplément publié où c'est plein de petites historiettes sur Milvaux, mais ça vous donne, je pense, déjà un bel aperçu de la richesse de l'univers, quoi. Donc, vous avez tous cet univers qu'on pourrait parler d'univers prescrit. En fait, il y a une encyclopédie Milvaux qui existe déjà, quoi. Et la question, c'est qu'est-ce que vous allez garder? Qu'est-ce que vous allez rappeler en fait dans le livre? Quels éléments vous allez rappeler et quels éléments vous allez tout simplement taire, quoi? et aussi qu'est-ce que vous allez changer? Alors, c'est intéressant hein, que tu abordes Civilization, parce qu'effectivement, Civilization présente la timeline et le pourquoi du comment. Et bien souvent, lorsqu'on parle de Milvaux, voilà, à des gens qui connaissent, à des rôlistes qui connaissent, ben, cette timeline, etc., et ce fond n'est pas forcément connu ou bien appréhendé ou bien dominé. Ça veut bien dire que finalement, Milvaux s'est étendu au-delà de ce qui l'a constitué initialement, et que c'est pas cette référence-là n'est plus devenue incontournable ou nécessaire en même temps. Voilà, c'est intéressant. Parce que peu de gens jouent avec vraiment la référence au canon, d'où effectivement l'idée de qu'est-ce que l'on garde, qu'est-ce que l'on garde pas, qu'est-ce que nous on transforme, qu'est-ce que l'on peut en dire, etc., etc. Exercice intéressant. Voilà. Là-dessus, je dirais qu'il y a deux choses. Tu as les six paradigmes que j'ai cités en tout début de podcast. Donc la ruine, la ruine, la forêt, l'oubli, l'emprise, l'égrégore et les horla, je dirais que ça, c'est un peu voilà, la présentation de ces six paradigmes, c'est un peu le minimum syndical, je dirais. Encore que c'est J'irais pas. même, alors de mon côté, je dirais même que c'est l'essentiel et que c'est le cœur de ce qu'est Milvaux. Mais t'es pas obligé de tous les garder. Par exemple, dans Colonial Gothique, il n'y a pas l'oubli. Ah oui, tout à fait. Je sais que dans ce que fait Michel Poupart, assez souvent, il évoque pas trop la forêt, quoi. C'est plus pour l'avoir en tant qu'auteur, créateur ou quelqu'un qui va proposer une expérience de jeu, c'est plus pour les avoir en tête, en référence, pour alimenter sa propre création, même si on ne va pas clairement mettre tous ces paradigmes dans sa proposition. C'est plus de se laisser habiter par eux parce que ça va permettre d'avoir une proposition cohérente à la fin, même si certains sont un peu expurgés. Vous pouvez aussi les renommer, par exemple, bah dans Colonial Gothic, il me semble que. En fait, il y a l'égrégore qui est cité. Et Oui. En fait, l'emprise est renommée corruption. Enfin, plus exactement, en fait, la corruption, c'est l'ancien nom de l'emprise dans le bouquin, les bouquins officiels. En fait, j'ai réédité tous les bouquins officiels en remplaçant corruption par emprise parce que je voulais. En fait, corruption, ça faisait trop Warhammer, quoi. Warhammer L5R, donc je voulais un terme qui soit plus spécifique. Mais dans Colonel Gothic, de mémoire, vous avez gardé corruption. Oui, tout à fait. Mais l'idée étant que voilà j'allais dire, on est l'humanité, en tout cas dans un événement ou une période historique importante, est confrontée pour la première fois au phénomène et lutte de façon plus ou moins organisée contre celui-ci et essaye de le comprendre. Voilà, il y avait cette idée-là aussi de cette D'ailleurs, confrontation. ça peut justifier d'ailleurs que les termes techniques, comme on n'est pas dans les mêmes univers, que les termes techniques ne soient pas les mêmes, parce que quelque part, Bien on n'est sûr. pas dans le même univers, donc il n'y a pas le même langage à poser. Bien Il y sûr. a Christophe Drace dans Milvaux Dark Fantasy, où en fait, l'emprise, la corruption, il appelle ça la souillure, quoi. Et en fait, la souillure, c'est une espèce de mélange entre les trois concepts d'emprise, d'égrégore et d'oubli, quoi. Oui, on peut s'approprier ces concepts autrement, les renommer autrement. Oui, il faut sentir cette liberté là aussi parce que ça appartient, enfin c'est le côté mutant aussi de cet univers L'autre qui chose est aussi, c'est à appréhender. que. L'autre chose aussi, c'est que vous êtes finalement le lore officiel. Donc, vous pouvez le reprendre, par exemple, dans Milvaux au seuil de la folie. En fait, il reprend des gros morceaux de civilisation, en fait. Hein, donc, tu vas retrouver le lore officiel est rappelé. De façon à ce que le bouquin soit autonome, quoi. T'as pas. Mais tu peux aussi dire, bon, bah, tu peux aussi ne pas le rappeler parce que, justement, les gens, s'ils veulent jouer le lore officiel, ils ont qu'à prendre les suppléments. Moi, la plupart de mes jeux, d'ailleurs, enfin, mes jeux fonctionnent comme ça, en fait. Au début, j'avais le lore officiel dans Mille Voix Sombres et Inforenza. En fait, je les ai réédités en l'enlevant, quoi. Et tous les jeux que je sors depuis, en fait, le lore officiel n'est pas rappelé parce que c'est confère les bouquins, quoi. Oui, effectivement, il faut plus s'intéresser à ces paradigmes essentiels et comment on les a appréhendés et finalement de quelle façon le jeu en est constitué, voilà, plutôt que de rappeler effectivement la timeline, comment Ou les alors, choses faut sont faites. rappeler les points qui sont importants, n'importe quoi. S'il y a telle faction, par exemple les Sarcomanciens, que vous aimez bien et que vous avez tout un délire autour des Sarcomanciens dans votre jeu, bah là, évidemment, je vous conseille de réexpliquer c'est quoi, de donner votre version des faits. Oui, tout à fait. J'avais parlé tout à l'heure de zoom. Hein. Il y a effectivement comment on pouvait faire un jeu qui zoome sur un seul paradigme mais qui va un peu ignorer les autres. Donc on a. Je crois que j'avais fait une petite liste. Ça vient plus tard, mais grosso modo, par exemple, sur l'oubli, il y a les remémorants, il y a Dégringolade qui parle essentiellement de l'oubli. Sur l'emprise, il y a le jeu L'Empreinte, le jeu Charogne. Qui vont surtout parler de l'emprise. Sur les Orlas, il y a les murmures de Shu-Niggurath. Alors voilà, vous pouvez faire un jeu qui zoome en fait sur un seul paradigme. C'est tout à fait. Bon, moi personnellement, j'ai fait beaucoup ça. Maintenant, je suis quand même plus sur. J'essaie de faire plutôt des jeux profonds qui ont une grosse durée de vie, donc du coup, qui vont aborder tous les aspects, quoi. Mais cette méthode, tu peux le retrouver aussi pour faire du scénario, hein, en te basant sur un aspect. Moi, j'ai pu mener quelques séances en plein cœur des Carpates, dans une ambiance médiévale, où finalement les joueurs incarnaient des personnages frappés par l'oubli, voilà, et qui se confrontaient de nouveau un Orla dans une ambiance un peu à la Dracula, voilà. Et on a développé ça pendant 4 séances. C'était intéressant. Et finalement, ce n'est qu'à la dernière séance et je dirais la deuxième partie de cette séance, où finalement tout le folklore et tout l'univers de Milvaux est arrivé. Et les joueurs là ont compris qu'effectivement ils avaient oublié et qu'on était dans un scénario typé Milvaux. Voilà, donc on peut choisir que des axes. Dernière chose sur le lore officiel, en fait, parce que la question importante, c'est comment on fait pour jouer un univers qui est quand même assez riche, avec un lore officiel qui commence à être vraiment très dense. Comment on fait pour le mettre dans son jeu? Je sais qu'à un moment, j'avais une ambition, notamment avec le jeu Écorce, d'avoir un jeu qui contienne tout le lore officiel. Et en fait, j'en suis un peu revenu, il n'y aura pas tout le lore officiel dans Écorce. Mais à côté, je vais produire des aides de jeu qui sont autonomes, qui sont système agnostique et qui permettent d'incorporer le lore officiel dans vos parties de façon très simple. Bon, il y avait déjà l'almanach qui faisait ça. Maintenant, plus l'almanach est sous forme de jeu de cartes, donc ça va être plus pratique. Mais je vais sortir d'autres jeux de cartes. En fait, il y a Nervure où il y aura sur chaque carte, il y aura cinq aspects de Milvaux. Enfin, il y aura des questions, il y aura des systèmes des situations, des divers trucs, quoi. Enfin, des photos de personnages. Donc déjà, ça va être une super aide de jeu, je pense, qui va être utilisable pour tous les jeux. Et puis un de ces quatre, je sortirai un gros bouquin de tables aléatoires qui s'appellera Biomasse, où en fait il y aura pas des tables aléatoires pour générer tous les aspects de l'univers. Et donc ça va être c'est une aide de jeu que vous allez pouvoir clipser sur tous vos jeux, quoi. Alors peut-être un petit point sur les mécaniques. En fait, la question c'est est-ce qu'il y aurait un game design adapté à l'univers de Milvaux, quoi? Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Pour moi, il n'y a pas un game design adapté à Milvaux. Je pense qu'on peut greffer, mais finalement, c'était le cœur de notre discussion depuis le début. Je pense qu'on peut greffer plein de game design différents sur Milvaux. D'ailleurs, c'est un univers qui s'y prête terriblement et c'est sans doute le plus intéressant. Que l'on joue en pur narratif, que l'on puisse jouer avec des cartes, une approche traditionnelle, une approche beaucoup plus libre, etc. Pour moi, il n'y a pas de game design adapté à Milvaux. Je pense qu'il y a surtout un game design qui vous est adapté à vous en tant que créateur, si vous décidez de créer dans la sphère Milvaux, et surtout un game design qui soit adapté à la proposition, à l'expérience de jeu que vous voulez faire vivre à vos joueurs. C'est surtout cette question-là qu'il faut se poser. Et il faut être très clair. Dans la conception de ses règles, de sa technique, de son approche, qu'est-ce que je veux proposer à mes joueurs? Qu'est-ce que j'ai envie de leur faire ressentir autour de la table, tant dans le jeu, émotionnellement, que de manière technique et mécanique? C'est la première des questions. Mais je ne pense pas qu'il y ait un game design, une façon de faire, ou un type d'approche pour Milvaux. De toute façon, comme on l'a dit, effectivement, on peut aborder toutes les chapelles de game design, de gameplay. On peut toutes les mettre dans Milvaux. Tu peux faire de l'OSR, tu peux faire du tradit, tu peux faire du narratif au végan. Il y a pas de Oui, c'est ça. souci. En revanche, je dirais, par contre, il faut quand même voir que à vos mécaniques, elles aient une saveur Milvaux. Enfin, il faut et que ça rende l'univers. Par exemple, si vous avez aucune mécanique qui génère de l'oubli, bah, vous avez peut-être loupé un truc. En tout cas, vous avez loupé. Votre jeu ne gère pas l'oubli, quoi. Ou alors, il faut au moins, si vous avez pris des mécaniques génériques, je sais pas, n'importe quoi, vous avez fait un jeu Milvaux motorisé par Fate. Je pense qu'il faut au moins un paragraphe pour dire, bon bah voilà comment on pouvait utiliser les règles de Fate pour gérer l'oubli, quoi. Je prends Oui, l'exemple du jeu de Claude Ferry, Fripouille. Au début, c'était juste une traduction du jeu anglais Knave. Donc du coup, c'était un jeu OSR générique, clairement, quoi. Que ce soit dans les listes d'équipements, des personnages, dans les règles, c'était générique, quoi. Et on voyait pas le côté Milvaux. Et donc, je sais que en relecture, enfin, je lui ai fait des suggestions pour que le côté Milvaux soit plus présent. Donc, notamment, revoir un petit peu la liste des équipements pour avoir des trucs un peu plus forestiers, des choses comme ça, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on en revient à s'imprégner des paradigmes qui fondent Milvaux, les avoir vraiment en tête, les avoir dans son écriture, et au-delà de ça, connaître véritablement la proposition que l'on veut faire et à sa table de jeu, et croiser le tout pour construire son game design qui va répondre à la fois à sa propre note d'intention, mais qui va aussi répondre à ce qu'est les grands fondements de l'univers de Milvaux, à ce que sont les grands fondements de l'univers de Milvaux. Au niveau des gameplays, on peut faire tous les gameplays de jeux de rôle sur table à Milvaux, mais en fait, on peut aussi faire autre chose que du jeu de rôle sur table. Donc, je voudrais évoquer en fait ce que j'appelle la diaspora, en fait, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au départ, c'est un univers prévu pour deux jeux de rôle sur table, mais on l'a déjà dit, on a déjà un peu dit, on peut essayer de faire autre chose que du jeu de rôle sur table. Moi, j'ai déjà fait donc du jeu de rôle solo, du GN. Actuellement, je bosse sur du de toute façon, concrètement, maintenant mes nouveaux projets ils sortent du champ du jeu de rôle sur table, quoi. Hein, les trucs que je suis en train de développer actuellement, c'est plus tellement du jeu de rôle sur table. Je suis en train de faire du jeu dont vous êtes le héros, notamment. Du GN beaucoup. Je m'intéresse. J'ai un projet qui s'appelle Aubépine, où c'est un jeu de cartes avec un deck unique type Dominion, quoi. Donc on est grand plus beaucoup plus sur le jeu de société, même si c'est vrai qu'il y aura quand même un aspect roleplay important, mais bon, ça commence déjà à être un jeu frontière, quoi. Et puis je me dis pourquoi pas à l'avenir, j'aimerais bien par exemple faire un pur jeu de plateau, c'est-à-dire sans composante RP, quoi. où, par exemple, on jouerait une communauté qui doit gérer tout un genre un jeu coop où tu joues une communauté qui doit gérer toutes les merdes qui te tombent dessus. Oui, Et y a... concrètement, on peut aussi faire du... Pardon. Oui, je trouve ça intéressant de sortir Milvo aussi du jeu de rôle papier. Et effectivement, un jeu de plateau, qu'il soit coopératif ou vraiment de pure gestion, de gérer sa communauté qui fait face aussi à d'autres communautés au sein d'un territoire, de gérer des ressources, de faire des échanges, du troc, etc. Ça pourrait être très très intéressant. C'est intéressant en fait de tenter l'expérience, je pense maintenant, de sortir Milvo de la sphère simplement rôlistique. Voilà, d'aller au-delà. On peut même aller, pourquoi pas, vers la littérature. Il y a déjà quelques nouvelles Milvo qui sont sorties, comme il y a une nouvelle qui s'appelle Milvo est en nous. Voilà, donc, et puis pourquoi pas l'audiovisuel, enfin il y a aussi pas mal de il y a deux trois trucs musicaux hein, qui ont été faits inspirés de Milvo. Donc en fait voilà, c'est un transmédia, donc on peut tout faire quoi. Oui, tout à fait. Même l'idée aussi de témoignages scénarisés de survivants, un peu à une sorte de niveau project, quoi, face à la caméra, en train de raconter l'expérience vécue au sein de la forêt, entre théâtre, audiovisuel. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'idées autour de Milvo et qui sortent pour le coup, et vraiment j'abonde en ton sens, du milieu rôlistique, pour essayer de continuer l'expérience autrement. En préparation, tu m'as évoqué une idée assez folle, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça aurait été de faire un wiki du type, un wiki collectif en fait, du type une année à Milvo en fait, avec les quatre saisons et puis les différents mois de l'année. Et puis en fait, chacun aurait pu mettre des idées d'intrigues, de choses qui se développent, un truc collaboratif qui serait à mi-chemin entre l'encyclopédie, le scénario et puis pourquoi pas effectivement la création littéraire, quoi. Un truc multi-auteur. Moi, je pense que le wiki, ça serait une bonne forme, ou alors, enfin, une espèce de gros document partagé, ça pourrait être assez drôle. En plus, on a des outils. Par exemple, si tu prends Boissol, c'est le jeu de rôle solo. Ça donne un gros outil pour générer une péripétie à partir de la date du jour, en fait. Donc, ça pourrait être des applications de Boissol, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, je disais, cette idée de faire un an de Milvo, elle est vraiment tentante, de rassembler divers écrits, ça peut être des poèmes, ça peut être des récits de rencontres, sous forme de témoignages d'arpenteurs de la forêt, mais ça peut être aussi des choses plus classiques comme des descriptions de PNJ, un événement sur tel territoire ou sur telle partie de Milvo. Enfin voilà, une sorte de bouillon de création, d'émulation sur une année de voyage et d'imaginaire dans Milvo. Ah, sachant que ça pourrait se greffer à un projet que j'avais, que j'ai jamais lancé, mais la plateforme existe déjà. C'était le Wiki Milvo, en fait, donc de faire une sorte de Wikipédia de Milvo, quoi, et qui serait éminemment collaboratif, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait rajouter des entrées sur l'univers de Milvo, quoi. Je ventilerais, je pense, au départ avec l'univers officiel, mais on pourrait rajouter ce qu'on veut, quoi. Oui, parce que l'idée serait de un an dans Milvo, mais un an à l'image de Milvo, c'est-à-dire un an qui peut se passer n'importe où, n'importe quand, ouais. Dans n'importe quel univers, etc. etc. Ouais, une pourquoi sorte pas, avec une petite approche multivers. Oui, c'est ça, une sorte d'immense patchwork teinté de Milvo. Comme quoi, il y a toujours de l'idée autour de cet univers. Ouais. Alors, on est un peu pressé par le temps, donc est-ce que tu es d'accord pour qu'on aborde le dernier point ? Oui, bien sûr. C'est la création collaborative, en fait. Donc moi, en quelque sorte, vous pouvez me considérer comme un consultant spécialisé dans Milvo, c'est-à-dire que je suis assez disponible pour faire de la relecture sur vos projets. pour apporter des conseils et tout. Enfin, bon, je suis assez disponible. Des fois, malheureusement, je suis quand même un peu lent, hein. Je commence à être, enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais je commence à être un tout petit peu saturé quand même par les projets de la communauté. Donc, je suis pas toujours hyper rapide pour apporter des corrections. Mais tant que je pourrai le faire, je le ferai. Donc, vous pouvez me solliciter là-dessus, même si vous n'êtes pas obligé. Je rappelle que ça peut être aussi très sympa que vous sortiez des jeux sans me consulter. Mais vous pouvez aussi consulter bah, en fait, toute la communauté, quoi. Donc, il y a le Discord, Milvo. Moi, je pense que c'est toujours bien de faire quand même relire ces jeux par une tierce personne. Ah oui, c'est vraiment nécessaire. Faut le regard d'autrui, hein. C'est enrichissant et puis ça permet d'éviter certains écueils. Voilà. Puis quand on a le nez dans le guidon sur le clavier, on ne se rend pas forcément compte de différentes choses, de différents points qui seront positivement soulevés par un autre. Donc sur le Discord, Milvo, je pense que vous allez recruter des relecteurs tristes, mais peut-être aussi, pourquoi pas, des playtesteurs tristes, et puis bah, des collaborateurs, collaboratrices aussi. Hein, et ça se trouve, peut-être un projet à plusieurs mains qui va naître parce que vous avez une envie commune. Donc, c'est ça qui est intéressant, quoi, c'est que c'est pas uniquement du solo. On partage, et puis les gens testent les jeux les uns des autres, il y a des comptes rendus de parties qui sortent et tout. Voilà, c'est devenu assez dynamique avec le Discord Milvo, et j'espère que ça va continuer, quoi. On ne peut que le souhaiter. Bien, sur ce, je te remercie beaucoup, Christophe, pour t'être engagé dans ce putri de sujet de conversation. Non, mais écoute, c'était avec plaisir et puis j'espère qu'on pourra inspirer la communauté et voilà quoi. C'est une expérience intéressante. Plongez-vous dans Milvaux. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions sur les choses qu'on n'aurait pas abordées, à donner aussi votre retour d'expérience sur les jeux Milvo, si vous les créez ou si vous les pratiquez. Allez, ciao, portez-vous bien.